الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى بأن فضل بعض الناس على بعض وبعض الأماكن على بعض وبعض الأشهر على بعض ألا وإن أفضل الأشهر ألا وإن أفضل الشهور هو شهر رمضان له فضائل كثيرة وخصائص تميزه عن غيره من الشهور وقل مثل ذلك في صيامه ومن خصائصه وفضائله أنه هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينه لإنزال القرآن العظيم صيام رمضان وقيامه سبب مغفرة الذنوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم رحمه الله عباد الله أبشروا بقرب شهر رمضان وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه وأبشركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم عباد الله وفي الثلث الآخر من شهر رمضان ليلة هي خير من ألف شهر هي ليلة القدر قال سبحانه إنا أنزلنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر كذا قال ربنا عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن فضائل هذا الشهر وخصائصه أن العمرة في رمضان أجرها مضاعف لقول ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه تعدل حجه رواه مسلم الصيام به الله سبحانه وتعالى يحقق لك الفوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال رواه أحمد وصححه العلامة الألباني رحمهم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه يا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة أيها الناس إن هذه الفضائل والبركات والخيرات لا تقتصر في هذه الحياة الدنيا بل تتبعكم يوم القيامة والناس بحاجة ماسة إلى الحسنات وتخفيف السيئات والشفاعات يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي ربي منعته الشهوة والطعام فشفعني فيه ويقول القرآن منعت النوم بالليل فشفعني فيه قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم فيشفعان رواه أحمد بل إن الله سبحانه وتعالى خص للصائمين بابا يوم القيامة في الجنة يقال له الريان كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه أحد غيرهم رواه البخاري ومسلم وكفانا شرفا بأن نصومه إيمانا واحتسابا بأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى de par sa sagesse a privilégié certaines personnes sur d'autres certains moments sur d'autres certains endroits sur d'autres et certains mois au-dessus d'autres et sans aucun doute le meilleur des mois de l'année est le 9e mois de l'année lunaire le mois de Ramadan le mois de Ramadan ce mois qui renferme de nombreux bienfaits ce mois par lequel Allah subhanahu wa ta'ala comble ses serviteurs ce mois durant lequel le Coran fut révélé ce mois a de nombreux mérites et dit pareillement et nous pouvons dire la même chose pour son jeûne le jeûne du mois de Ramadan parmi les mérites et les spécificités de ce mois et du jeûne de Ramadan il y a ce qui suit premièrement la révélation du Coran a eu lieu durant le mois de Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset dont la traduction est le mois de Ramadan durant lequel le Coran fut révélé durant lequel le Coran fut révélé en tant que guidé pour les gens en tant que guidé pour les gens donc le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan Et sachez également, comme dans le hadith de Wa'atilah, que d'autres livres émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été également révélés durant le mois de Ramadan, comme l'Injil wa Tawrah, wa Suhufu Ibrahim, wa Zabur. Donc c'est un mois qui a une grande particularité du fait que le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. Parmi les mérites de ce mois et ses particularités, celui qui jeûne ce mois, et qui prie ses nuits, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi et espoir, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et il nous dit la même chose pour le fait de prier la nuit. Il nous dit également le fait de prier 5 prières, du vendredi jusqu'au vendredi suivant, du mois de Ramadan jusqu'au mois de Ramadan de l'année suivante. Entre cela, on pardonne les péchés des gens, à condition qu'ils s'éloignent des grands péchés, à condition qu'ils s'éloignent des péchés majeurs. Donc celui qui atteint le mois de Ramadan, puis atteint le suivant, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses petits péchés, lui efface l'ensemble de ses petits péchés, à condition qu'il s'éloigne des péchés majeurs. Et on s'annonce ici la bonne nouvelle, c'est que le mois de Ramadan est très près de nous. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir en vie et dans la foi, avec une bonne santé, afin de pouvoir le jeûner et de l'adorer comme il lui plaît, subhanahu wa ta'ala. Je vous annonce également la bonne nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque nous entrons dans le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées, et les shayatines, les démons, enchaînés. Dans un autre hadith, les miséricordes sont ouvertes. Les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ouvertes. Sachez également, chers frères, que parmi les particularités de ce mois, c'est que dans les dix derniers jours du mois de Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui adore Allah azza wa jal durant cette nuit aura plus que ceux qui l'auront adoré durant 1000 mois. Aura plus que ceux qui l'ont adoré durant 1000 mois. Cette nuit est appelée Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur, la nuit de la destinée. Cette nuit est dans le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet, celui qui prie la nuit de Laylatul Qadr, donc la nuit de la destinée ou de la grande valeur, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Parmi les grands mérites et les particularités de ce mois, le mois de Ramadan, le fait que le petit pèlerinage, Al-Umrah, équivaut à un grand pèlerinage en matière de récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui fait Al-Umrah, donc le petit pèlerinage, durant le mois de Ramadan, aura la récompense d'un pèlerinage. Ceci est dans la récompense, non pas, et cela ne le déchargera pas d'effectuer le pilier de l'islam, son obligation, sans aucun doute, ni aucune divergence. Le jeûne du mois de Ramadan, par cela Allah Azza wa Jal t'accordera la réussite. La réussite, la vraie réussite consiste à éviter le feu de l'enfer yawm al-qiyamah et à obtenir l'entrée du paradis. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jeûne est un bouclier, un rempart contre le feu de l'enfer, tout comme l'un d'entre vous utilise son bouclier dans la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit à Hudhaifa, « Oh Hudhaifa, celui qui finit sa vie et meurt dans un jour où il jeûnait, Allah le fera entrer au paradis. Celui qui décède un jour dans lequel il était en état de jeûne, un jour dans lequel il a jeûné, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera en le faisant entrer au paradis. » Donc, le mois de Ramadan renferme de nombreux bienfaits, de nombreux trésors. Et ne pensez pas que ces bénédictions s'arrêtent et sont restreintes à ce bas monde. Non, elles vous suivent même après votre mort. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour du jugement dernier, le jeûne et le Coran viendront pour intercéder en faveur de ses adeptes, de celui qui lisait le Coran et de celui qui jeûnait. Le jeûne dira, « Ô mon Seigneur, je l'ai empêché d'assouvir ses désirs, je l'ai empêché de manger, alors permets-moi donc d'intercéder en sa faveur, c'est-à-dire afin qu'il entre au paradis. » Puis le Coran dira, « Je l'ai empêché de dormir la nuit, alors permets-moi d'intercéder en sa faveur. » Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera cela. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera cela. Parmi les spécificités qui seront accordées aux jeûneurs le jour du jugement dernier, c'est une porte qui leur est réservée. Cette porte se nomme Ar-Rayyan, dont la traduction pourrait être la fraîcheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a une porte au paradis qui se nomme Ar-Rayyan. Entreront par cette porte les jeûneurs. Et personne ne pourra y entrer en dehors des jeûneurs. Et après l'entrée des jeûneurs au paradis par cette porte, elle sera refermée. Elle sera refermée. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal accorde aux jeûneurs. Et le meilleur des jeûnes est celui qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan. En cette fin du mois de Sha'ban, il nous faut nous rappeler certaines règles relatives à la fin de ce mois et à l'entrée du mois de Ramadan. La première est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner un jour avant Ramadan ou deux jours avant Ramadan. Exception faite de celui qui a l'habitude de jeûner, comme celui par exemple qui jeûne le lundi et le jeudi. Si l'avant-dernier jour tombe un jeudi, il aura lui la permission de le jeûner. Mais quant à celui qui veut jeûner par exemple par précaution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela. « La taqaddamu Ramadan bi siyam yawmin aw yawmayn » Il nous dit ne faites pas devancer le jeûne du mois de Ramadan par le jeûne d'un ou de deux jours. La deuxième remarque est à l'attention et pour attirer l'attention de ceux à qui il reste des jours à jeûner. Certaines personnes oublient, certaines personnes ont été négligentes. Il leur faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de repousser des jours à rattraper sans excuse religieusement valable. Ils n'ont pas le droit de repousser les jours à rattraper après l'entrée du mois de Ramadan. Ils doivent rattraper avant le premier jour du mois de Ramadan. Mais dans le cas où ils auraient trop de jours, ils devront les rattraper après le Eid, après Ramadan. Quant à la femme qui est enceinte ou celle qui allaitait, celle-ci a une excuse. Celle-ci a une excuse. Elle note les jours qu'elle n'a pas jeûné et elle les rattrapera après. Dans le cas où ces jours se feraient trop nombreux ou qu'elle n'aurait pas la capacité de jeûner, certains savants disent qu'elle peut nourrir des pauvres et elle n'aura pas à rattraper ces jours. Pour chaque jour non jeûné, elle nourrira un pauvre. Aussi, il nous faut savoir que l'entrée du jeûne du mois de Ramadan ou l'entrée du mois de Ramadan sera affirmée par l'un de deux signes religieux. Le premier signe est le fait de compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Si nous arrivons au 30e jour du mois de Sha'ban, sans aucun doute le lendemain sera le premier jour de Ramadan. Le deuxième signe est la vision de la nouvelle lune, la vision du croissant de lune. Na'am. Si nous voyons cela, donc un jour avant le jour du doute, il nous faudra commencer le jeûne du mois de Ramadan le lendemain. Mais parmi les choses très importantes, le fait de mettre l'intention avant le fajr du premier jour de Ramadan. Dans le cas contraire, le jeûne de cette personne ne sera pas valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui n'a pas mis l'intention durant la nuit n'aura pas de jeûne. C'est-à-dire celui qui n'a pas mis l'intention dans son cœur de jeûner Ramadan avant l'entrée du fajr du premier jour de Ramadan, celui-ci n'aura pas de jeûne valable. Et s'il se retrouve dans cette situation, qu'il sache qu'il devra le rattraper. Et l'intention n'est pas une parole qui se prononce, c'est une action du cœur. Et pour conclure, quelles sont les personnes visées par l'obligation du jeûne de Ramadan? Ce sont ceux qui ont réuni certaines conditions. La première, être musulman. La deuxième, être pubère. La troisième, avoir la raison. La quatrième, être résident, c'est-à-dire ne pas être en voyage. Celui qui est en voyage a le droit de rompre son jeûne et il devra rattraper ses jours. La cinquième, c'est Al-Qudra, la capacité de le jeûner. Celui qui a une maladie incurable devra nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Quant à celui qui a une maladie passagère, il s'abstient de jeûner et il devra rattraper ses jours une fois en bonne santé. Et pour la femme, il y a une condition en plus, c'est l'absence des règles, donc des menstrues et des lochies, le sang qui coule après l'accouchement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder sur l'islam, de nous garder en bonne santé afin de pouvoir atteindre le mois de Ramadan pour l'adorer comme il veut de nous. Et rappelez-vous de nombreuses personnes qui étaient avec vous l'année passée durant le mois de Ramadan et qui ne sont plus aujourd'hui avec vous, parmi vos proches, parmi vos voisins et d'autres personnes. Ceci est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera à certains de ses serviteurs qui vivront jusqu'au mois de Ramadan. Il nous faut donc ne pas être négligents, redoubler d'efforts dans l'adoration, dès maintenant, nous éloigner des péchés et demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette d'atteindre le mois de Ramadan et de le jeûner. Wallahu a'lam wa salli Allahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.